radical, tu l'as mourir sur 100 hectares. Jette-la, le nectar harmonique sur 100 hectares. J'veux du Z-la, que mes gaulois d'Armorix donnent au spectacle. Touriste à Darkolique, prends un spectacle. Par la racine combat le mal acolyte. Tombe en extase, on crie des alcooliques. J'vois que vous êtes là, aide-toi et le ciel t'aidera. Quand la plupart ne vous aide pas, ne vous aime pas. Le soleil est là quand la pluie part. Toi sur la gâchette, mais t'appuies pas. C'est la boulette, cherche une machette sur la jaquette. Achève ça comme et achète ça fort en cachette. Vise là, tous à côté de la plaque dans le visa. C'était ta claque, c'était calque, j'parle bizarre. Mec, l'eau a coulé sous l'éponge, t'éparpille ça. Vise ça, comme un coup de fusil à pompe. Crier sur le bazar, c'est pas l'heure, poisson de la base, ce sera ludique. On est dans ce partage de valeurs, pas de son bras, capte ça l'humide. Déjà lubrique sur un pont cru, entre fait le monde. Sur un mon cul, en retrait, je compte les songes, m'attraque, mais le salut brille. Ces joutes me lassent, mais rey, ma parole, qu'ils s'en foutent. J'ouvre le bal avec un capot qui tombe. Tant que ces 4 jours trichent sans foutre, j'tranche des carottes dans le douce. On se fait laver car j'vois que ces parodies sentent lourd. J'veux encore l'or, on pense taffer, ça t'allonge l'herbe. Vu que leur terre c'est le Mordor, j'rentre avec 1000 bataillons d'air. Porte le coup bas, les yeux accrochés, on vaincra. On veut l'étoffe d'homme de pouvoir, pas celle d'un chômeur en fin de droit. Polo, c'est des voleurs de son, qu'ils aident plutôt à prendre leur texte au lieu de jouer les donneurs de leçons. C'est Francis, j'cap, j'leur brandis le doigt, si j'prends 10 cas, j'arrête. Mais franchir le cap, ça me grandit pas, ce qu'on en dira fera le reste. Mec ambitieux, un crailleur, gérant la montre au somme. Quand le vicieux n'est qu'un prailleur, gérant la montre au sol. Si les rêves d'être cossus démarrons dans la lune. Ici, les frères d'être consument la marron dans la lune. Quand t'as l'alerte, on craint de caner, un tas de galères à trimballer. Même quand t'as l'air d'un grain calé, je connais la chanson. T'en fais son taf, chaque effort paye. Faut jacter les forfaits quand elle s'entasse, dès qu'on est la chanson. Les contraintes vides pourraient mettre au défi. Quand on rêve son train de vie, tous les métros défilent. Donc à caresser l'ennui, pas caresser le manque. On rentre au placard aisément, si on peut t'arrêtement nuire. Tous déprime lourdement chez tous les crônes adultes. Tous les crônes la thune que tous écrit de lourdement. La victoire, depuis je l'attends sans baragouiner. Petit jeune appant se barre à d'où il est. Tu leur diras qu'on n'attend plus rien de leur miracle. Qu'on a du flair, qu'on colle une balle dans la machine. Qu'on est des fauves, qu'on n'a plus rien d'admirable. De l'effort qu'on a dû faire à couper le mal à la racine. Le forcené trouvera le repos dans un hydrage. Presque étouffé par ses draps, il sera classé au rang des fous. La force n'est pas dans le cœur des fruits des bons cépages. Celui qui cèdera dans ses traces aura que la mort au rendez-vous. J'écris ma vie mais qui me freinera si je fais le délice. Si je bois des litres et dans le déni j'ai des idées psychédéliques. Je m'en pas, je crois qu'au mental, je crois que le monde est bancal. Je pense demain j'y crois puisque eux donc eux mourront pas. Dingue dans le noir et selon toi suis-je allumé. Seul contre tous des fois je me dis que j'ai rien d'humain. Si c'est la guerre je trouverai la paix dans le calumet. Seulement froid et seulement moi je suis dans le dégoût de la race humaine. C'est pas le courant qui porte, trop gaspille leur salive et pas pour l'anti-pop. Son qui les ravive, c'est ça qui nous rassemble. Les nerfs à vivre, dis pas qu'on nous rassemble. Quand coulera le navire, tout cela qui trompe. On écoutera leur avis quand tout cela qui trompe. Les gens feront tout pour t'induire en erreur, affronte tout. T'as pris des coups, on t'a dit rends les